que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, si le retien n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. Cheveux longs. Quant à nous les filles, on dirait des garçons, les filles en pantalon. Embrasse les filles en pantalon. Quant à nous les filles, nous aimons les garçons avec leurs cheveux longs. Les filles, en pantalon. Quant à nous les filles, nous aimons les garçons avec leurs cheveux longs. Nous ne sommes pas des anges, nul n'en doutait, j'en suis persuadé. Au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs, le hit parade de novembre 1962 et notre coin du spécialiste vous permettra de connaître un peu mieux un pionnier du rock'n'roll assez méconnu, c'est Carl Perkins que nous retrouverons. Si vous avez décidé de rester en notre compagnie, merci de votre choix. Excellente journée sur Radio Gémozo. 1965. Fantomas se déchaîne. Jane Fonda tire à vue dans 4 ballons. Et Sean Dorfer nous fait partager ses souvenirs sur la guerre d'Indochine. Sir Winston Churchill, lion sacré, a cessé de rugir. Alain Calma devient champion du monde de patinage artistique pendant que Belphégor hante le Louvre et la télé. Conflit indo-pakistanais, les deux pays se disputent le Cachemire. Joe Colombo sort sa chaise empilable. Et au Bus Palladium, à Paris, naît une nouvelle danse, le jerk, l'idiot, bien nommé. Monsieur Propre nettoie tout dans la maison. Monsieur Propre, champion du monde, tout nettoyage. Cricket sort le premier briquet jetable. Et Primrose Borier lance l'imprimé et la couleur dans la maison. Et après un coup d'état, Boumediene renverse Ben Bella en Algérie. Well, won't you come home, Bill Bailey? Won't you come home? Come home the whole night long. I do the cooking, honey. I'll pay the rent. I know I done you wrong. Yeah, remember that rainy evening I threw you out with nothing but a fine-tooth comb. Yeah, I know I'm to blame. Oh, it ain't it a shame. A little Betty, won't you please come Être boxeur, il sera chanteur et traversera l'époque rock and twist comme une étoile filante. Son nom, Rocky Volcano, son titre, Toi, toi, toujours toi. Toi, toi, toi, toujours toi, toi, toi, rien que toi, toi, toi, toujours toi. Toi, tu sais très bien me rendre jaloux. Il suffit de rien pour me rendre fou. Je te crie mon amour du matin jusqu'au soir. Je te crie mon amour. Tu ne veux plus me croire. La colère donne des armes, l'amour donne des ailes. Françoise Hardy en 1963, le temps de l'amour. Comme

pour Lady, une création française, une balade à l'ambiance lourde, Les Chats Sauvages, 37e nuit de parade de novembre 1962. Parce qu'un jour, je vous ai vu passer dans ma rue. Oh, yeah. Lady, lady, vous étiez plus que jaune. Oh, lady, que soudain. Une autre vie. Mais entre vous, vous et mon rêve, cela faisait loin, trop loin pour moi, moi qui suis seul. Et moi qui n'ai rien. Lady, lady, vous n'êtes pas revenu. Oh lady, plus jamais je ne vous vois dans ma rue. Mais pourtant, que de rêves je fais chaque nuit. Que de rêves je fais. Oh lady, oh lady, aïe aïe aïe. Oh lady, oh lady, oh lady, oh lady, oh lady. Il est 26e du hit-parade de novembre 1962, Jean Vincent, Dance to the Bap. Les Chats Sauvages que nous venons d'entendre l'inscriront à leur répertoire sous le titre « Quand les chats sont là ». Version qui rentre en ce mois de novembre 1962, la 50e place du hit-parade. La version originale, elle, est 26e. Well, there's a little juke joint on the outside of town where the cats pick them up and they lay them down. Well, you get your gal, I get mine, and we'll get together and we'll have a good time. And we'll dance a little bit to the pop, dance a little bit to the pop. We'll dance a little bit to the pop. We'll dance to the rock and roll. Yeah, now dance, dance, dance, dance, we'll dance, dance, dance, yeah. Dance, dance, dance, dance. When I dance, we'll dance to the rock and roll. Now I gotta get it. Come rockin' into the tune. Some come single like me and you. Dancing to the bop is their delight. Well, when you get right, they'll dance all night. They'll dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop, to the bop. Dance a little bit to the bop. Well, they dance to the rock and roll. Yeah, now dance, dance, dance, dance. We'll dance, dance, dance. Yeah, now dance, dance, dance. When I dance, dance, dance. When I dance, we'll dance to the rock and roll. Yeah, yeah. We'll dance a little bit to the pop, to the pop. Dance a little bit to the pop. Dance a little bit. We'll dance to the rock and roll. Yeah, dance, dance, dance. We'll dance, dance, dance. Now dance, dance, dance. We'll dance, dance, dance. We'll dance.

chercher dans tes yeux d'enfant moqueur. J'ai trouvé ce qu'au fond de moi j'attendais sans vouloir me l'avouer. Dans les rues, quand on voit chez là, tous mes amis m'envient. Je crois qu'ils ont compris qu'avec toi, je vais faire ma vie. Jolie petite chère, c'est toi qui as pris mon cœur. Jolie petite chère, qui m'a apporté l'amour, je te garderai toujours. Je te garderai toujours. Je te garderai toujours. Richard Anthony et son super tube, j'entends siffler le train, toujours en tête du hit parade, devant le chariot de Petula Clark et le Locomotion de Little Eva, troisième du hit parade de novembre 1962. Écoutez, vous êtes sur Radio Limoso en compagnie de Gérard.

je suis née. Hélène, Oklahoma Hills, c'est en août 1964 que Jean-Jacques Debout, auteur, compositeur, mais aussi interprète, se voit décerner la Rose d'Or de la chanson à John Lépin. Avec nos doigts se sont croisés. Nos doigts se sont croisés pour la première fois lorsque tu as dansé près de moi, près de moi. Qu'ils ont connu l'amour quand ils t'ont rencontré. Ce que je n'osais dire, d'autres te le diront. Et quand tu vas les croire, c'est eux qui partiront. Nos doigts se sont pour la première fois, lorsque tu as dansé près de moi, près de moi. Vous pouvez nous écrire à Radio Guimauzo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-les-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Avec une poignée de terre, il a créé le monde et continue de créer la terre tout en faisant. Le Seigneur jugeant ensemble qu'il manquait le minimum, il créa la femme et l'amour qu'il a donné aux hommes. Oh, oh, oh, oh, oui, c'est vrai. Avec une poignée de terre, il a créé des lèvres et des bras. Quand il me sert pour me donner la fièvre, et je pense à chaque instant que celui que j'aime tant, le Seigneur l'a fait rien qu'avec une poignée de terre. Oh, oh, oh, oh, il se voulait. Marchant à grands pas, allant de ci, de là, de la terre il ramassa, puis ses manches il retroussa, et de ses mains il façonna la divine douce et bonne. Dalida avec une poignée de terre. Adaptation contre version originale. De suite, notre deuxième match. Oublie mes larmes et rappelle-toi que je t'aime. Et ne dis plus jamais que ton cœur n'est plus le même. Je sais que souvent il est un peu fou. Mais tout ça est fini, ne pensant qu'à nous. Reviens car je t'aime. Hey, hey, Sloopy, Sloopy, reviens. Hey, hey, Sloopy, Sloopy, reviens. Tous les jours mauvais en rêvant à demain. Oui, c'est tout ce qui me reste. Et tu le sais très bien, bien, bien. Oh, je t'en supplie. Reviens, reviens, Sophie. Reviens, yeah, je t'en supplie. Les sœurs de Reviens Sloopy, adaptation nettement plus courte, 2 minutes 50, que le My Girl Sloopy des Yardbirds. Version originale qui, elle, fait 5 minutes 30. Qu'importe la durée des morceaux sur Radio Guimauzo, aussi votre deuxième match et votre deuxième choix pour vous. Come on, girl. Come on, come on. Say yeah, yeah, yeah. Tommy gun, he starts to growl without any throat. He bends a string and that saw she wrote. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on the pole. You know he's gone, gone, gone, and I kept shaking him real. He sings a song about a crawl at home. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know it's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know it's gone, gone, gone, and a chicken king Creole. He plays

gondole, ça ne vaut rien pour les herbes du folklore américain. Je voudrais tellement qu'il soit aussi sentimental que moi. Au bord du Mississippi, nous pourrions passer notre vie. Wow! C'est là le folklore américain. Vous venez de nous rejoindre, merci de votre choix. Dans quelques minutes, vous retrouverez le coin du spécialiste, une rubrique consacrée aujourd'hui à Carl Perkins. Mais juste avant, nous aurons Michel Fugain, Daisy. Excellente journée, merci de nous tenir compagnie sur Radio Guémozo. Daisy joue du piano chaque matin comme avant, mais je n'entends plus sa chanson à quatre mains. Elle fait comme si son mari vivait encore. Hier je l'ai vu soigner les fleurs de son jardin. Daisy n'a pas touché au grand fauteuil ni au tabac qui sont à leur place près de la cheminée. Un chapeau d'homme, un blouson sont pendus dans l'entrée et la poussière les recouvre peu à peu. Daisy m'a dit bonjour tout en ouvrant ses volets, en souriant comme si rien n'avait changé. Personne comme avant, tout comme si elle refusait la vérité. Elle est souvent gaie, mais sans doute elle fait semblant. À 28 ans, elle a déjà des cheveux blancs. Quand vient la nuit que le clocher voisin sonne 6 fois, elle sort de chez elle et semble attendre quelqu'un. Comme avant, elle est vêtue de clair, mais désormais, elle s'en retourne toujours seule dans sa maison. Daisy m'a dit bonsoir en refermant ses volets, souriant comme si rien n'avait changé. En souriant comme si rien n'avait changé. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Guémozo. Carl Perkins a été avec Elvis Presley, Jerry Lee Lewis et Roy Orbison l'un des artistes phares du label de Memphis Sun Records, dirigé par Sam Phillips. C'est-à-dire que si son rôle s'est révélé fondamental dans la naissance du rockabilly, puis du rock'n'roll. un genre qui devait combiner le blues et le country. Guitariste talentueux et imaginatif, auteur-compositeur de génie, interprète d'une rigueur et d'une sincérité exemplaires, showman accompli, Carl Perkins doit être considéré plus encore que Presley comme l'un des pionniers et créateurs du rockabilly. Né à Jackson, dans le Tennessee, le 9 avril 1932, Carl Perkins est très tôt passionné par la musique. Dès l'âge de 3 ans, son père lui confectionne sa première guitare avec une boîte à cigares. Carl progresse avec une déconcertante rapidité et enthousiasme ses proches en reprenant des morceaux de country et de blues. Carl Perkins écrit ses propres chansons. Fort de ce talent, il se rend à Memphis, en espérant bien convaincre Sam Phillips de le faire enregistrer. Celui-ci, conscient que le jeune auteur-compositeur ira loin, lui donne sa chance. C'est ainsi que Carl Perkins grave, en décembre 1954, Moonig et Turn Around, son premier 45 tours. Le succès, Carl l'obtient dès l'année suivante avec Gun Gun Gun, puis en 1956 avec ce qui sera sa création la plus célèbre, Blue Statue. Blessé à la main en mars 1956 dans un grave accident de voiture, Carl Perkins ne retrouvera jamais la plénitude de ses moyens et sombrera dans une longue dépression. En 1997, victime d'un malaise cardiaque, il rejoindra au paradis des rockers ses copains Elvis Presley, Dick Cochran et Roy Orbison. Il avait 65 ans. Let me take you to the movies, Meg, so I can hold your hand. Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that doggone man. And I double bow behind the door, it waits for Carl, I know. Oh, climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. I only see her once a week and that's when my work is through. I break new ground the whole week long with my mindset stayed on you. And I polished up my old horse Beck and she looks good, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand. Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that doggone man. And I double barrel behind the door, it waits for me, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. I break new ground the whole week long with my mind set straight on you. And every time I try to smile, my heart it breaks in two. Oh, I slick myself for Saturday night, cause there's one thing I know. I'm gonna take my Maggie dear to a Western picture show. Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand. Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that doggone man. And I double bow behind the door, Lord, he waits for me, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. Well, that must be my gal, you don't look like that. Well, that must be my gal, you don't look like that. I know my baby, she's so round and fat. Don't gone, baby, I'm gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, des années Blue Jim. Salut les 60, c'est avec Gérard sur Radio Guémozo. Well, how come you say you will when you won't? You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? Oh, honey, don't. Well, baby, and you ought to know, I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. So, hey, honey, don't. Morning, you don't look right. You've been out of painting the town. Baby, you've been slipping around. So, hey, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Well, honey, don't. Say you will when you walk. Honey, don't. Get it, cat, let's go now. No one had lived in the shoe, had so many children she didn't know what to do. They were doing all right till she took them to town. The kids are picking them up and putting them down. Now all your children want to rock, mama, all your children want to roll. They want to roll, want to rock, want to pop, till it pop. All your children want to rock, rock now. fast, but we mighty well try to live in class. We better move out before the rent comes due, but we wanna live in a blue sweatshoe. All your children wanna rock, mama. All your children wants to roll. We wanna roll, wanna rock, wanna pop till we pop. All your children wanna rock, I rock, oh. Well, every night when it's quiet and still, you can hear it echoing through the hill, through a blue sweatshoe on a mountaintop. All the mama's youngins are doing the bop. All them children wanna rock, mama. All your children wanna roll. They wanna roll. Friends are popping the blues, it must be going round. All my friends are popping the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, the doctor told me, Carl, you don't need no pills. Hey, the doctor told me, boy, you don't need no pills. Just a handful of nickels, a jukebox will cure your ill. Well, all my friends are bopping the blues, must be going round. All them cats is bopping the blues, must be going round. I love you, baby, I must be rhythm bound. Well, the old cat bug bit me, man, I don't feel no pain. Yeah, that jitterbug caught me, man, I don't feel no pain. I still love you, baby, but I'll never be the same. I said, all my friends are bopping the blues, it must be going round. All my friends are bopping the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Get it, cat, let's go. Bopping the blues, it must be going round. All them cats is bopping the blues, and it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, Grandpa's done got rhythm, and he threw his crutches down. Oh, the old boy's done got rhythm and blues, and he threw that crutches down. Grandma, he ain't trifling. Well, the old boy is rhythm bound. All them cats is bopping the blues, and it must be going round. All my friends are bopping the blues, and it must be going round. I love you, baby, I must be rhythm bound. Bop, cat, bop! Bop, bop, rhythm and blues. Bop, bop, rhythm and blues. Rock, rock, rhythm and blues. Bop, rock, rock, rhythm and blues. Rhythm and blues, it must be going round. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe.

Elegance, je ne pourrai jamais l'oublier. Un groupe, un duo à venir sur Radio Gemozo, notre troisième et dernier match. Par son regard si doux et son sourire qui vous attire et vous rend fou, Olive. Elle est belle et pourtant sous ses traits d'enfant, elle sait très bien qu'elle est jolie et son cœur est content, Olive. Ses cheveux soyeux le rendent amoureux, fou d'amour, il crie je t'aime. Il n'écoute pas ce cœur qui bat, pour elle il n'existe pas. Un jour viendra où il saura que l'amour n'est pas toujours comme ça, mais pour l'instant il est malheureux, cela se lit dans ses yeux. Ses cheveux soyeux le rendent amoureux, fou d'amour, il crie je t'aime. Pas ce cœur qui bat, pour elle il n'existe pas. Et puis surtout par son regard si doux et son sourire qui vous attire et vous rend fou, Olive. Les chaussettes noires Lynn, c'est l'adaptation. Dream, la version originale, est interprétée par les Everly Brothers et ça donne ceci. Dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, when I want you in my arms, when I want you. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Dream, dream, dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. Taste your lips of wine anytime, night or day. 1956. Quand on arrête l'amour. Eisenhower et Richard Nixon sont à la Maison Blanche. Anthony Quinn et Gina Lollobrigida sont à Notre-Dame de Paris. George Douglas incarne Van Gogh. Et Jeanne Bourgeois, dit Miss Marguette, tire le rideau de scène. Renaud présente l'étoile filante, qui va à 200 à l'heure. Et Rosarignan dit chez Knoll, la table et les chaises. Et Philips étonne avec son électrophone. Le Ku Klux Klan embrasse le sud des États-Unis contre l'intégration. Edgar Jacobs publie La Marque Jaune et Ben Bella du FLN est arrêté. La France se dote d'un télescope électronique. Du côté de la chapelle, c'est comme ça qu'on... Les enfants se préoccupent peu de leur ligne. Même en été, les mannequins de Balmain en font grand cas. Jason Lai, Everybody. En 1967, au mois de mai, Michel Polnareff se rend à Londres où il enregistre avec 43 musiciens son nouveau 45 tours, Am Callin, sur lequel figure le formidable roi des fourmis que je vous propose d'écouter. Michel Thor, moi je serai là et vous serez-vous là, en tout cas lundi dès 15h, moi je serai là. Dimanche à partir de 10h, rediffusion de l'émission. Rejoignez-nous également sur internet, dont voici l'adresse radioguemozo.eu, le tout en minuscule et sans accent. Merci de nous avoir accompagnés. J'espère que vous avez passé un bon après-midi en compagnie des idoles des années 60. Salut les 60, à lundi prochain.